إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شهر رمضان، وحديثنا اليوم عن مفطرات الصوم. دونك ceci est la 11e assise, les assises du Ramadan, dans laquelle nous allons parler, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, des annulatifs du jeûne. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا son jour de jeûne. Par contre, celui qui se fait volontairement vomir alors qu'il rattrape son jeûne. Celui qui se fait volontairement vomir en utilisant quelques moyens que ce soit pour arriver à sa fin. Comme par exemple le fait de compresser son estomac, ou le fait de rentrer une chose, ou de rentrer son doigt par exemple, dans sa gorge, ou le fait de sentir une odeur, tout en sachant qu'en sentant cette odeur, eh bien, cela va provoquer des vomissements. Ou le fait de regarder une chose, tout en sachant qu'en regardant cette chose, eh bien, cela va provoquer chez lui un vomissement. Tout ceci annule le jeûne. Tous les vomissements qui ont eu lieu de ces façons différentes, de façon volontaire, annulent le jeûne. Quant aux vomissements qui n'ont pas de cause, eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Et lorsqu'une personne sent que des vomissements arrivent, il sent que au niveau de son estomac, il y a des choses qui ne vont pas, et que son estomac commence à travailler dans le but de d'expulser ce qu'il y a dans son sein, eh bien, il ne doit pas, il n'est pas obligatoire pour lui de se retenir et d'empêcher ce vomissement. Car cela peut lui être néfaste. Allah Azza wa Jal, le tout sage, a créé le corps humain d'une façon parfaite. Ce corps humain qui s'autogère. Ce corps humain qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, expulse toute chose néfaste qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc si ton estomac travaille dans le but d'expulser ce qu'il y a dans son intérieur, cela est dû à une nourriture malsaine que tu as mangée, ou des microbes indésirables qui doivent être expulsés à l'extérieur de ce corps. Ainsi, le fait d'empêcher ce vomissement peut être néfaste et peut t'amener à garder en toi des choses qui peuvent te nuire. السابع خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. Le septième annulatif du jeûne, c'est l'apparition du sang des menstrues ou des lochies. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme, la femme lorsqu'elle a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas. Ainsi, la femme, lorsqu'elle voit le sang des menstrues ou le sang des louchis, son jeûne s'annule automatiquement. Que cette apparition ait lieu au début de la journée ou à la fin de la journée, même quelques instants avant le coucher du soleil. Ce jeûne de ce jour-là est d'office annulé. Et si la femme sent que du sang se déplace à l'intérieur de son corps, mais ce sang n'apparaît qu'après l'apparition, qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne est valide. Car ce qui annule le jeûne pour la femme qui a ses menstrues, ce n'est pas les sensations qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais c'est bel et bien l'apparition de ce sang, que ce soit le sang des menstrues ou que ce soit le sang des lochis. Ainsi, le jeûneur ne doit pas faire, il ne doit pas commettre ses annulatifs du jeûne lorsque son jeûne est un jeûne obligatoire, comme le jeûne de Ramadan ou comme le jeûne d'expiation, celui qui a juré par exemple et qui doit jeûner 3 jours, ou celui qui a fait un vœu de jeûner, comme on l'a vu tout à l'heure, il devra obligatoirement jeûner ces jours-là, sauf si il a une raison valable, comme le voyage ou la maladie. Quant au jeûne surérogatoire, il a le droit de le rompre quand il le souhaite, même sans raison, mais bien sûr, le mieux est de terminer son jeûne surérogatoire, de terminer le jeûne de ce jour surérogatoire. Mais en termes d'autorisation, il a le droit de le rompre à quelque moment que ce soit, même s'il n'a pas de raison valable. Voici les annulatifs du jeûne dont doit s'abstenir le jeûneur. Il doit préserver son jeûne et délaisser toute forme de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois du Ramadan, de façon particulière, qui est un des piliers de l'islam, nous devons le préserver, nous devons l'accomplir de la meilleure et de la plus complète des façons. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.